Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Installez-vous confortablement, comme je le dis souvent. On a deux bonnes heures de rock progressif à vous proposer et on va donner le coup d'envoi ce soir avec la formation suédoise Sonic Circus. On vous a présenté un extrait la semaine dernière d'un nouvel album qui a pour titre The Game Begins. On aura aussi D'Écosse de John Irvin Band, cinquième album pour ce guitariste d'Édimbourg. L'album pour titre Psycho Pump. Et puis d'Allemagne, Starfish 64, un album qui a été lancé hier, c'est tout frais, tout chaud. Skittered Pieces of Blue. Et après, Marc, on se dirige vers l'Amérique du Sud. Oui, avec la formation argentine Black Expression et leur album Mondo Real qui vient de paraître le 19 avril. Alors, on aura la pièce Tigre de Papel et ce sera suivi de la formation Modern Machine qui est le projet du multi-instrumentiste Pierre Marceau de Montréal et son album Little Things. Ce sera la pièce Two Heads dans un style qui rappelle King Crimson. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute avec un second extrait du nouvel album de Sonic Circus. We'll be right back. Stumbling a cause without end, sluggish and weightless and totally out of control. The remains of an impact drift at the brink of old age, condemned to outlast all the dreams of an infinite sleep. Distance orbiting, solely transmitting an endless repeat. A song of our age, a song of our heyday, a song of a long lost ride. We'll be right back. CKRL. Toutes les raisons sont bonnes pour aller au District Saint-Joseph. En plus des concerts et soirées dansantes, profitez de nos soirées 2 pour 1. Burger du mardi, pizza du mercredi et tartare du jeudi. Il n'y a rien de mieux que les soirées 2 pour 1 au District. Réservez au districtsaintjoseph.ca. Ça fait du bien de voir du monde. Ici Jessica Leb. Sortie culturelle à la Korrigane, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec CKRL et les artistes d'ici. Chaque mercredi, de 17h30 à 19h30, les invités se dévoilent au plus près de vous en entrevue et prestations au 380 rue Dorchester. En assistant à l'émission, vous pourriez même repartir avec des prix de présence. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Pour la seconde partie de notre émission, on va commencer avec Chris Engels, un musicien allemand qui gère le projet, le Sen Project. On vous a présenté un extrait de Lost One il y a quelques semaines. Et il travaille aussi sous le nom de Chris Engels. Et cette fois-ci, on vous présente un extrait de son album qui a pour titre Imitation. Et puis après ça, on s'en va aux Pays-Bas avec Fusonic, troisième album pour cette formation néerlandaise. Et par la suite, on passe en Italie avec Golem. Et l'album Gravitational Objects of Light, Energy and Mysticism, je pense que c'est le second extrait qu'on présente de cet album, qui sent très bon les années 70. Et puis Marc, après ça, je pense qu'on se dirige du côté du Royaume-Uni. Oui, en fait, ce sera un doublé avec deux guitaristes multi-instrumentistes. On aura d'abord du Royaume-Uni, Theo Young, et son nouvel album Tales from the Inland Sea. C'est son cinquième album, c'est un rock instrumental. Et ce sera suivi de l'artiste américain Tyler Kamen. Alors, il est de New York et c'est son nouvel album Artichoke Pythagorum. Et il y a plus de 10 albums à son actif, alors ça vient de sortir ça aussi. Mais tout d'abord, comme le disait Michel, Chris Engels. Scream. secrets that I cannot understand. Please tell me secrets that I cannot understand. Will you please take me by the hand and guide me from the island? Silk green fabric flowing in the light. Will you please whisper by my head and tell me secrets that I cannot understand? Tell me secrets that I cannot understand. Will you please take me by the hand and guide me from the island? De vous faire découvrir l'éventail de couleurs dont regorge notre musique traditionnelle, ainsi que les différentes musiques du monde, le Festitrad est également soucieux de vous faire découvrir la magnifique région de Saint-Jean-de-Mata dans le cadre de sa 6e édition du 19 au 21 mai prochain. Montez dans l'autobus et profitez du circuit touristique comprenant 3 arrêts chez autant de producteurs agroalimentaires de la région. Détails et billetterie sur lefestitrad.com. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Dans le prochain bloc musical, on aura la formation Big Big Train qui vient d'annoncer qu'ils repartiront en tournée avec un nouveau chanteur. C'est Alberto Bravin, qui est un Italien, qui a chanté pour PFM de 2015 à 2022, qui est un multi-instrumentiste également. Alors, ils reprendront une tournée en Europe à partir de septembre 2022. On sait que Big Big Train ont toujours eu dans leur rang Greg Spartan, qui est le bassiste et cofondateur. Et plusieurs chanteurs se sont succédés. Alors, pour les 3 premiers albums, c'était Martin Reed, de 1994 à 2002. Ensuite, Sean Philkins était chanteur de 2004 à 2007. 2007 et David Langdon a ensuite joint le groupe de 2009 à 2022 pour 9 albums, dont le plus récent est Welcome to the Planet. On sait que David Langdon est décédé de façon accidentelle et tragique en novembre 2021, donc Welcome to the Planet est le dernier album qui est paru de façon posthume avec David Langdon. Donc pour les prochains albums et les prochaines tournées, ce sera donc Alberto Bravin. On écoutera un extrait de l'album The Second Brightest Star qui est paru en 2017 et l'excellente pièce Brooklands Sequence. Mais tout d'abord, Michel, un artiste qu'on aime bien puisqu'on l'a vu en spectacle plusieurs fois à Québec avec la formation RPVL. Oui, un groupe qu'on a eu le plaisir de voir, je pense, à 4 occasions, étant, si on tient compte du fait que lors de leur passage, ils présentaient 2 concerts, un concert hommage à Pink Floyd et un concert avec leur propre matériel. Et c'est le premier album solo du guitariste Cale Wallner. Il a pour titre Voices, c'est entièrement ou quasi entièrement instrumental, il y a une exception, et on va écouter la pièce Seven Heart. I was a lucky man. Ces peurs construites un peu dans ma tête et qui réfèrent un peu aussi à l'angoisse, l'anxiété dont je souffrais lors de la création de l'album. Donc, quand j'ai visité cette île-là, ça a comme ouvert quelque chose en moi. Là. À découvrir sur la Fabrique culturelle. Aujourd'hui, on se trouve à Rivière-Ouelle, dans le Bas-Saint-Laurent. Je pense que quand je suis ici, que c'est calme, puis c'est silence, puis que j'imagine mon arrière-arrière-grand-père arriver en bateau au quai. Claude Pelgag à Lance des Merciers. Paraît qu'elle dort sur une branche tout en haut du séquoia. Qu'elle ne se nourrit que d'oranges et des livres de Kafka. Tous les talents d'ici, une seule adresse. lafabriqueculturelle.tv. Le fleuve va manger la terre, puis que toutes ces maisons-là vont disparaître. Puis à quel point le Québec, c'est grand, puis est précieux et magnifique. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Nous voici de retour pour la dernière demi-heure de l'émission Terra Incognita pour cette semaine. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura la formation norvégienne Wobbler, qui est certainement la formation la plus marquante du rock progressif des années 2000. Ils nous ont offert 5 albums, dont certains se classent parmi déjà les classiques du rock progressif, toute époque confondue. Alors, on aura ici une pièce intitulée In Taberna, qui est paru officiellement sur disque sur l'album Afterglow, paru en 2009. Je dis officiellement puisque cette pièce-là avait été proposée sur leur premier démo, paru en 2003. Elle portait le titre Leprechaun Behind the Door. Alors, de cette excellente formation norvégienne. Mais tout d'abord, Michel, un artiste multi-instrumentiste américain. Oui, on parle de Dave Kuljoo, guitariste et multi-instrumentiste. Il a fait ses premiers pas avec le groupe américain Electrum. 2 albums ont été publiés par ce groupe. Et puis, il a aussi réalisé 2 disques solo, Abstract Expression en 2007 et Notes in the Margin en 2010. Malheureusement, le guitariste est décédé en 2013. Et ce soir, on va écouter un extrait de son second disque, Notes in the Margin. Thank you.

blues. We'll be right back. Ce soir, on a choisi de vous laisser avec un extrait d'un album qui a pour titre Elemento Antropico, et c'est la formation italienne Basta, un album qui est paru en 2016. On a eu le plaisir d'accueillir ce groupe dans le cadre du festival, et c'était un spectacle vraiment remarquable. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste. Et puis avant de vous laisser, ben, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita. Et je vous souhaite aussi une excellente nuit à l'écoute de CKRL. L'autoroute suit dans quelques instants. CKRL 89.1. Je suis Calypso Lemoine, animatrice dans Aparté. La première fois que j'ai animé à CKRL, c'était en 2018 à l'émission estivale Crème glacée limonade sucrée du Machin Club. Dans mon souvenir, ça avait été un vrai désastre. J'étais tellement gênée de ma performance. Je savais aucunement dans quoi je me lançais, alors j'étais aucunement préparée. Je connaissais mon invité seulement de nom, donc j'avais pas assez de questions en tête. Donc la productrice-réalisatrice Pamela Bisson essayait de me chuchoter des informations à l'oreille pendant qu'on était en onde. Et puis comme je comprenais pas ce qu'elle me disait, elle m'écrivait des questions sur des papiers. Je me suis demandé comment j'allais faire pour animer tout le reste de l'été. Mais finalement, avec la préparation, je me suis améliorée et maintenant, je sais en rire. Ça reste tout de même un beau souvenir. En 2023, CKRL aura 50 ans. 50 ans de radiophonie communautaire. Voici un bref aperçu de ce que vous manquez si vous écoutez pas les Geeks contre-attaque. Bon, ce show-là, c'est comme le petit castor. Une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. C'est pas tant bon, en plus, avec le recul, là. Ben non, écoute, son père portait des salopettes. Mais non, c'est lui, dans bedaine, dans salopette. C'est pas un look de winners. Non. Écoutez les Geeks contre l'attaque tous les samedis, 13h, sur CKRL 89.1. C'est-tu moi ou le fade-out qui est long pour rien? Salut, ici Sarah Dufault. Et je vous invite à écouter mon album qui est en diffusion à CKRL 89.1. Salut! J'ai pacté tout mon ménage, je l'ai sacré dans mon char. J'suis déménagé à Montréal pour aller jouer dans Ouattata. Aujourd'hui, j'fais de la musique, pis j'trouve que le temps passe trop vite. La fin de semaine, j'joue d'un bord. Ça, c'est pas de moi, c'est une phrase à placard. Même si j'joue plus au baseball, j'traîne ma mythe dans mon char. J'attendrai pas. Des annonces respectables. Du 16 au 19 juin, rendez-vous à Tadoussac pour le Festival de la chanson présenté par Québécois. De Diane Dufresne à Lisa Leblanc, en passant par les Louanges ou Clay and Friends, tu trouveras ton bonheur dans la programmation. Laisse la magie de Tadoussac s'emparer de toi et viens profiter du seul festival où tu peux écouter des baleines la journée et des concerts le soir. Billets et passeports sur chansontadoussac.com. Cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps.